Donc que ce soit dans les deux authentiques ou bien dans les autres livres de sunnah. وغيرها. Et d'autres. ودون علماء السنة. Donc les auteurs de la sunna. لذلك وجمعوا الأحاديث. Donc ils ont écrit et ils ont rassemblé les hadiths qui traitent ce sujet. أولهم. Le premier qui a pris le devant. ذو الخويصرة. ذو الخويصرة. الذي قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc celui qui s'est levé et qui a dit au prophète صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم. Alors que le prophète صلى الله عليه وسلم. يوزع الغنائم. Donc il partageait le butin. يوم حنين. Le jour de la bataille de Hunayn. فأتى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il s'est mis à la droite du prophète صلى الله عليه وسلم. ولم يعطيه النبي. Et le prophète صلى الله عليه وسلم ne lui a rien donné. وأتى عن يساره. Puis après, il s'est mis sur sa gauche. ولم يعطيه. Il lui a rien donné. وأتى من خلفه. Puis il s'est mis derrière lui. ولم يعطيه. Il lui a rien donné. وأتى بين عينيه. Donc il s'est mis face à lui. أمامه. Devant. لما راى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقسم له معهم lorsque il a vu que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a donné lui a pas donné une part قال يا محمد اعدل يا دي هو محمد وجل قال ويلك دي ما لغا تو الا ما اعدل من يعدل si moi je suis pas juste qui peut l'être فقام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. عمر الخطاب رضي الله عنه في لبي. فسل سيفه. يسيري سنبي. ليقتل هذا الرجل الذي يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. pour tuer cette personne qui a osé accuser le prophète صلى الله عليه وسلم. آه رسول الله لا. le prophète صلى الله عليه وسلم donc l'a reconnu et dit non. يخرج من ضئضاء هذا. de la descendance de cet homme. يعني من أمثاله. il y a deux semblables. de sa descendance, de ses semblables. Donc, les mêmes idées qu'il a et la façon dont il a et la conception des choses. Des gens. Vous allez mépriser votre prière devant la leur. Et donc votre prière nocturne vis-à-vis des rêves. Et votre jeûne aussi par rapport aux leurs. Donc ils réussissent en un. Mais ils ne dépassent pas leur besoin. Puis après donc ainsi les hadiths se sont succédés dans leur description. Donc des gens insensés. Des gens fort jeunes. إن من صفات حق الرسل. ولا parmi donc leurs caractéristiques c'est de se raser la tête. سماعهم التحليل. يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Donc ils font battre les gens de l'islam et ils laissent ceux qui sont sur l'association. لماذا لم يقتله؟ Pourquoi le Nabi عليه الصلاة والسلام ne l'a pas tué؟ أتى بأحاديث أخرى. Il a été rapporté dans d'autres hadiths qu'il avait dit حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه afin que les gens disent محمد صلى الله عليه وسلم donc tue ses compagnons. الآخرين ما يعرفون. Les autres donc ne savent pas أن هذا الرجل que cet homme من الخوارج fait partie dans le travail. كان النبي صلى الله عليه وسلم Prophète عليه الصلاة والسلام ينظر لمصلحة أكبر. Il voyait donc un intérêt beaucoup plus grand. لأن الذين في الخارج car ceux qui sont à l'extérieur لا يعرفون أحوال المدينة. ne savent pas donc ce qui se passe à l'intérieur de Médine. ويأتيهم خبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل واحد. et qu'il leur parvient donc une nouvelle que le Nabi عليه الصلاة والسلام a tué. من هو عنده un de ceux qui sont auprès de lui. فيقولون ils vont dire donc أنه قتل أصحابه. كما tué ses compagnons. هذا ما يفهمون الناس لماذا قتل هذا. Donc les gens ne vont pas comprendre la raison pour laquelle il a été tué. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة عليه الصلاة والسلام

ثم لا يعودون فيه إلا أن يعود السهم على فوقه يعني يرجع على وراء ولا صفتي صفتي ستلاش هل تغني عن عين وبهذا الحديث في هذا الحديث بعض أهل العلم سخطان علماء كبروا الخوارج اللي زون كونسيديري كوم ميكريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دي يمرقون من الإسلام يتصار دو لغوليجيون ثم لا يعودون فيه إيمي غتون لبا وهذا خطير Et donc ça, c'est vraiment très dangereux. فإذا كان مقدمهم donc si celui qui était à la tête وأولهم et le premier يرى أن الرسول لم يمارس العدل considère que le prophète sallam n'a pas été juste لأن فراسة عدل ما حد مارسه parce que dans sa façon de voir les choses, il y a une injustice que personne n'a pratiquée. هنا نفهم donc là, nous comprenons لغة القوم Donc leur discours. عندما لا يرون الخلفاء أهل. Lorsque donc ils considèrent que les califs qui sont venus après le Sallam ne sont pas dignes de cette place. Et ماذا قتل عثمان؟ C'est pour cette donc pourquoi عثمان رضي الله عنه a été assassiné. لأجل الدنيا. Pour ce bas monde. ما يعطي. Donc il ne donne pas. قرب قرابة. Donc il a rapproché ceux qui sont les proches de sa famille. Donc tant d'accusations et de fausses accusations qui ont été dites à son encontre. Qui est-ce qui a pratiqué cela? Une personne qui vient du Yémen. Donc un juif. اسمه, dont le nom. Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba. أظهر دخوله في الإسلام. Donc il a fait croire qu'il est rentré en Islam. وأتى في المدينة. Et après il est venu à Médine. وما زال مع الناس. Et il est resté, il s'est fondu dans la masse. وأثار مسائل. Et il a donc fait susciter quelques problèmes et questions. منزلة علي. La place de Ali رضي الله عنه. والخلافة. Et خلافة le gouvernement. فتبنى بعض الناس كلامه. Certains donc ont prôné sa façon de voir les choses. Après donc, il a vu qu'il a été découvert. Donc il s'est enfui en Irak. Et il est resté là-bas. Ce qui est étrange, que cet homme, c'est lui donc qui a donné naissance à le Khawarij. Et à Rawafid. Et à Rawafid. فجعل قوم يكفرون علي. Il a donc fait que certains considèrent que Ali radiallahu anhu était mécréant. Et il a fait que d'autres l'adorent. Et ils le mettent à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a été découvert en Irak. Donc il s'est enfui au Sham. C'était Muawiyah radiallahu anhu qui était le gouverneur. Et c'était quelqu'un qui était fort dans sa façon de pratiquer le pouvoir. Et il avait donc tant d'espions. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi avait des espions. Et donc, dès qu'il a mis les pieds, il a été découvert. Il s'est enfui en Égypte. Donc, c'est là-bas qu'il a donné donc naissance à tant de descendants. Et il a su soulever certains groupes. Et il a toujours gardé contact avec ceux qui étaient sur la même longueur d'onde que lui, qui allait laissé derrière lui, que ce soit à Médine, que ce soit en Sham, bien que ce soit en Irak. Dans le jargon moderne, voilà, donc il a donné naissance à des cellules qui dorment, comme des cellules dormantes. Donc avec laquelle il traitait avec des courriers. Donc il s'est mis une base arrière en Égypte. Et il a fait donc. Et il a fait bouger donc une armée contre. وقال أظهر الأمر بالمعروف والمنكر النهي عن المنكر. الجيش ضد من؟ عثمان. donc il a su soulever donc une armée qu'il a dirigée contre عثمان رضي الله عنه. أنا شو؟ أنا ما سمعت. ضد عثمان. وقال للناس اظهروا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. Il a donc dit aux gens, faites passer ça sous le fait de recommander le bien et blâmer ce qui est blâmable. وطعنوا في السلطان. Et donc vous pouvez critiquer le gouvernement. وهذا ليش حاصل؟ هذه مدرستهم. Donc c'est ça leur école. آلية الممارسة يظهرون الغير على الدين والأمر والنهي. La façon donc d'agir c'est ça, c'est de montrer une jalousie, une défense et de défendre l'islam. سب الحكام. Et après injurer les gouverneurs. فاللي سب الحاكم. Celui qui injure le gouverneur. هذا هو الشجاع. C'est celui-là qui est le courageux. هذا فكر الخوارج. C'est ça donc la pensée. تدرون شو فكر أهل السنة؟ Vous savez donc c'est quoi la pensée de la sunnah? يدعون أن يهدي الله لنا. C'est qu'il invoque qu'Allah guide leur gouvernement. لأن بهدى. Car si lui il est guidé, tout le monde sera réformé. ولذلك علامة السني. C'est pour ça donc la preuve de quelqu'un qui est sur la sunnah. الدعاء للسلطان. C'est qu'il fasse des invocations pour le gouvernement. وعلامة الخارجي المبتدع. Et la preuve et la marque donc de الخارجي de celui qui fait partie du الخوارج innovateur. الذي يدعو على السلطان. C'est celui qui fait des invocations contre son gouvernement. حصل ما حصل وأتوا ولبسوا. A eu lieu ce qui a eu lieu et ils sont venus donc ils ont su cacher, magouiller. حتى الكتابات. Même donc dans leur courrier. واعترضوا الخطاب الذي أتى من عثمان إلى عمرو بن العاص. Voilà, donc et ils ont intercepté le courrier qui est passé donc de Muawiya. De Uthman à Amr ibn al-As, qui était le gouverneur de l'Égypte. Donc ils ont ouvert le courrier et ils l'ont donc modifié et ils ont donc écrit un nouveau courrier. Donc ils ont falsifié le sceau et ils ont laissé donc ce courrier arriver jusqu'à Amr. Donc ils ont créé une tornade. عثمان بالعفان في المدينة. Jusqu'à ce qu'ils ont arrivé à Uthman رضي الله عنه à Médine. وحصل أنهم حاصروا بيته. Donc voilà ils l'ont encerclé chez lui. وقتلوه. Et ils l'ont tué. أحدهم الذي قتل طعن 9 طعنات. Donc celui qui l'a tué il lui a mis 9 coups de poignard. قال 6 منها لما في نفسي عليه. Il a dit 6 de ces coups c'est pour ce que je te reproche moi personnellement. عثمان. Uthman رضي الله عنه. طول 80 سنة عمره. Il dépassait les 80 ans. يقتلونه. Il l'assassine. ما يستحوا. Donc ils n'ont pas honte. ممن تستحي منه الملائكة. Ils n'ont aucune pudeur même celui devant qui les anges trouvaient une pudeur. ويرون أنهم على الحق. Et ils pensent qu'ils sont sur la vérité. يقتلون مبشر بالجنة. Ils tuent un qui est à qui le Nabi صلى الله عليه وسلم de son vivant a annoncé le paradis. الله أكبر قتلنا. Donc Allah Akbar nous l'avons tué. Al-Tajibi, c'est lui qui l'a tué, assassiné. Lorsqu'ils l'ont tué, ils ont dit, oh gens, donc vous avez considéré que son sang il était licite. Donc, et c'est bien, vous ne considérez pas qu'elles sont licites. Et son épouse, elle était près de lui. Et elle les empêchait de l'approcher. Ces gens-là, donc, c'est des gens de passion. Donc, ils l'ont frappé sur son derrière. Donc, ils ont dit, allons-y, donc, au trésor public. Lorsqu'ils les ont vus donc arriver, ils disent, on ne pensait pas que ces gens-là voulaient vraiment ce bas monde. Tous les khawarij, c'est des gens qui cherchent court après la vie. Donc la religion, elle est là, la prière, le jeûne. Mais ce qu'ils veulent, c'est l'argent et le pouvoir. Donc ils ont dévalisé donc, tout ce qu'il y avait dans l'État. Et après, ils se sont tournés vers Ali, radiallahu anhu. Ils talibent de l'argent. Et ils se sont dressés donc contre Ali radiallahu anhu et ils veulent avoir réparation pour ce qu'a subi Uthman radiallahu anhu. Donc ils se sont retirés dans un endroit qui s'appelle Harura. Sama, sammouhum al-Haruriyya. Donc d'où leur nom al-Haruriyya. لماذا سموهم حرورية؟ Pourquoi leur a dit dans leur a donné ce nom؟ لأنهم اجتمعوا في منطقة اسمها حرورة. Parce qu'ils se sont regroupés dans cet endroit qui s'appelle حرورة. وهناك خوارج اسمهم الأزارقة. Il y a d'autres خوارج à qui on donne le nom d'Azariqa. وهناك اسمهم الشراح. Il y a donc الشراح. وهناك اسمهم الحشاشين. اسم الحشاشين. وهناك اسمهم القاعدة. Il y a donc ceux qui s'appellent القاعدة. وهناك اسمهم داعش. Et ceux qui s'appellent داعش. وهناك اسمهم النصرة. Et ceux qui s'appellent النصرة. أي اسم. Peu importe le nom. الخوارج هم الخوارج. الخوارج هم الخوارج. والخارجي خارجي. Donc celui qui est الآن يطيلون شعورهم. Maintenant là, ils laissent pousser les cheveux. لأن صفة الرسول قال يحسماهم التحليق. Parce que le prophète a dit qu'il rase leur crâne. أنتم خوارج. حلقتم رؤوسكم ولا ما حلقتم؟ Voilà, donc vous êtes des خوارج. Vous laissez vos cheveux pousser ou bien vous les rasez. ما يغير تطيرون شعوركم عشان تخرجون من وصف الخوارج. Voilà donc vous laissez pousser les cheveux pour ne pas correspondre à la description du prophète sallam. اجتمع الحرورية. Donc الحرورية ils sont regroupés. حصل النقاش من عباس معهم. Donc il y a eu une discussion qu'ils ont eu avec Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه. ناظرهم. Donc il a parlé, il a rencontré, il leur a montré. رجع 4000. Il y a 4000 donc qui sont revenus. ثم ماذا؟ بقي منهم من تعصب لقوله. Il y a donc ceux qui sont encore restés attachés à ce en quoi ils croyaient. وقاتلوا. Ils ont combattu. وقتلهم علي بن أبي طالب. Et Ali رضي الله عنه les a tués. وقتلهم جميعا. Donc il les a exterminés tous. نجا منهم تسعة. Donc il y a 9 qui sont sauvés, qui ont réussi à se sauver. منهم عبد الله بن عباد. Donc parmi eux عبد الله بن عباد. الذي تسمى به الأباضية في عمان. Donc celui donc la secte qui se trouve à Oman qu'on appelle Ibadiyya, donc il tire le nom de cet homme. الخوارج الذين في عمان. Donc ces خوارج qui se trouvent à Oman. الأباضية هم من إرث عبد الله بن عباد. Donc voilà, ces gens-là, ce sont l'héritage de عبد الله بن عباد. وناس تفرقوا. وناس تفرقوا. Voilà, et après, il y a les autres qui se sont éparpillés. اجتمع منهم ثلاثة. Il y a 3 donc qui se sont réunis. في الكعبة. À la Kaaba. وهم في المسجد الحرام. Alors qu'ils étaient donc au sein de la mosquée sacrée. قالوا. Et ils ont dit. ألا ترون. Vous ne voyez pas ce qu'ont subi nos frères. Ne dois-je pas prendre la revanche pour ces gens. Donc il y avait Abdurrahman al-Muljim et Al-Tamimi et le troisième. Ils ont dit donc, qu'en est-il ? قالوا نقتل أئمة الكفر. Donc ils ont dit, on va combattre les dirigeants ou bien la imma de la mécréance. Donc, qui désigne-t-il par cela? Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, à qui on a annoncé le paradis de son vivant. Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, mu'minin. Donc, qui est l'oncle maternel des croyants. Le troisième, Amr ibn al-As. Et le troisième, donc Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Amir Masr. Donc, il était le gouverneur de l'Égypte. Donc, pour eux, ce sont là les imams de la mécréance. Sahabat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالوا وما ذاك? Ils ont dit alors comment faire? قال ابن ملجم انا علي علي بن ابي طالب انا بقتله. Ibn al-Muljim a dit le cas de Ali رضي الله عنه c'est moi qui m'en occupe. الثاني التميمي قال أنا علي معاوية. التميمي يقول moi je m'occupe de sorte معاوية. الثالث قال أنا علي عمر. Et le troisième a dit c'est عمر pour moi. اجتماع. Donc c'est une réunion. توزيع أدوار. Voilà donc une distribution des rôles. تخطيط. Donc une façon donc de tracer de poser une stratégie. ما أشبه الليلة بالبارحة. Donc qu'est-ce que hier ressemble à aujourd'hui? أنا متعمد. Donc je fais exprès donc, de citer cet enchaînement historique

la couleur c'est la couleur du sang et l'odeur c'est l'odeur du musc, ça c'est le jour de la résurrection. شم ريح مسك تعالوا في معنى جهاد في الله فياخذون يقودونهم كالغنم. Il dit tiens sang viens avec nous, il dit ils les prennent comme des moutons. يقودونهم يتلاعبون بعواطف الشباب. Voilà, donc ils jouent avec les sentiments des jeunes. الجنة le paradis. قتلوا قال لا تقتلوني. Donc il a dit ne me tuez pas. قطعوا أوصالي. Il dit donc découpez-moi. واجعلوا آخر ما تمارسون لساني. Il dit que la dernière chose que vous touchez c'est ma langue. وصامت لم يصيش وهم يقطعونه. Donc ils l'ont découpé et lui il n'a pas quitté un mot. ولساني مشغول في الذكر. Et toujours sa langue dans le rappel. فتنة. Quelle épreuve. الآن واحد من الخوارج رافع يده ويقول رد الشهادة ما تروح يرد الشهادة. Donc aujourd'hui le Khawarij il y a un qui lève ses mains et qui répète la shahada. Ibn Muljim في الذكر وهم يقتلون. Ibn Muljim il dit il était dans le ذكر alors qu'il était en train de tuer. Donc فتنه ne sois pas doré. Là comme là c'est pareil. فتنه. Ces gens là donc ils ont suivi. معاوية بن أبي سفيان. معاوية رضي الله عنه. أتاه ذاك الرجل في الفجر. Donc cet homme là il lui est venu à la prière de l'aube. ولاحظوا كلهم صلاة الفجر ما صلوا. Voilà, et regardez tous, ils n'ont pas prié la prière de Fajr. وأعظم صلاة. Et donc la prière la plus importante. فجر الجمعة جماعة. Voilà, donc la prière de Fajr en groupe. وفي رمضان. Le jour du vendredi. العشر الأواخر. Et en plus dans les 10 derniers jours de Ramadan. لعنة الله على الخوارج. كالله بعض الموجز. وأنا أقول لعنة الله عليهم. Et moi, quand je dis qu'Allah les maudit, لأن الصحابي لما رؤوسهم رآها معلقة في الشام. Parce qu'il y a un compagnon lorsqu'il a vu leur tête accrochée au Sham. قال لعنهم الله. Il a dit qu'Allah les maudit. فقال له رجل أوتلعنهم. Il y a un homme qui lui a dit et tu les maudis. قال لقد سمعت رسول الله يقول ذلك. Il a dit j'ai entendu le prophète sallam le dire. قال وأنت سمعته. Il a dit et c'est toi qui l'as entendu. نظر إليه. Il le regardait. قال والله إني إذا لجريء. Il a dit par Allah donc j'ai vraiment du culot. Je l'ai entendu. Il a dit et dans ta terre ils sont, c'est-à-dire dans ton pays ils sont nombreux. Et ils sont très nombreux. Qu'Allah donc réduit leur nombre. Si tu vois quelqu'un qui se met en colère lorsque tu blâmes le Khawarij, donc ils sentent leur odeur. فأتى الرجل إلى معاوية يريد يقتله. Donc cet homme est venu à معاوية pour le tuer. فانتبه له معاوية. معاوية donc fait attention. وإذا بسيف الرجل يسقط على مؤخرة معاوية. Donc voilà que son épée elle touche son derrière. فمسكوه الحراس. Donc les gardes ils l'ont attrapé. وإذا الرجل يقول هل لك ببشرى. Et voilà que l'homme dit, il lui dit à Mu'awiya, est-ce que tu veux que je t'annonce une bonne nouvelle? Et il lui a dit, et laquelle? Il a dit, Ali a été assassiné aujourd'hui. Voilà, il dit, la distance qu'il y a entre Sham et l'Irak, elle est énorme. Comment une information peut arriver en un seul jour, en une journée? ومن أين لك هذا؟ يدي دوتيان في cette information. قال اتفقنا على ذلك. يدي وستين داكور pour cela. فعلم أنه مخطط. Donc il a compris tout de suite que c'était quelque chose qui était organisé. حزن. Donc il s'est attristé. قال لعله اتخذ الحرس. Il a dit il se peut que Ali رضي الله عنه ait aussi lui aussi une garde rapprochée. قال إنه لا يتخذ الحرس. Il a dit non lui il ne prend pas de garde. انظر دراسة. Voilà, donc ils avaient déjà tout étudié. Voilà, donc tous les éléments du crime ils étaient présents. Mu'awiyah a donné l'ordre qu'on le tue. Et il a demandé à un médecin. Il lui a dit donc tu as été empoisonné. Et donc ta blessure elle est empoisonnée. Il a dit c'est quoi le remède? Il y a des deux choses. Voilà, donc c'est ou bien la cautérisation avec le feu, ou bien qu'on te donne une boisson. Il y a dit je ne supporterai pas la chaleur du feu.

فلما رأى رد هذا الشاب بهذا الرد donc lorsqu'il a vu sa réponse قال ننظر المشورة il a dit on va se concerter يقول الشاب le jeune a dit عرفت أنها تصفيتي il a dit j'ai su que on allait faire mon compte لأنه رد بعقلانية لم يرد ببهيمية il a répondu de manière rationnelle non pas comme un animal ويمارسون معه كما كانوا يمارسون في أفغانستان voilà qui veulent donc le mettre ce qu'on faisait avec les armes en Afghanistan فماذا حصل qu'est-ce qui s'est passé يقول عرفت أنهم بيصفوني لأني رأيت كم واحد صفوهم voilà il a dit j'ai su que ils allaient me régler mon compte parce que j'ai vu combien de personnes ils sont passées ويتصلون على هلا الله أكبر ابنكم مات شهيد في سبيل الله وهم قاتلين il a dit on appelle sa famille on lui dit votre fils est mort martyr alors que c'est eux-mêmes qui l'ont tué يقول الشاب ضاقت بي الدنيا عرفت انهم بيقتلوني بس ما معي جوارز ما معي شيء il a dit donc il s'est su donc il s'est senti serré j'ai pas mon passeport que faire ربطوهم أخذوا كل شيء منهم ولكن ils l'ont tout retiré يقول بعد العصر il est après l'âge صغير il est jeune رأى أحدهم رقى قلبه عليه voilà il y a quelqu'un parmi eux qui l'a vu il a eu pitié pour lui يبكي يريد يهرب voilà il pleurait il voulait sauver هرب il l'a aidé à s'enfuir وواصل سير الليل بالنهار voilà il marche jour et nuit فلما خرج الحدود السورية lorsqu'il en est sorti donc de la Turquie avec la Turquie وإذا بالجهات العراقية Voilà donc les services de secours. Et il y avait un représentant donc de l'armée saoudite qui était là. Interrogatoire, après, il s'est avéré que c'était vrai. Donc il est venu et il s'est soumis à donc le conseil. Voilà donc la façon d'agir. C'est non pas l'islam qui veut chercher la victoire. هم قتلة المسلمين. donc ces gens-là, c'est ceux qui tuent les musulmans. ولا يعلم للخوارج أنهم نصروا الإسلام وأهله. et jamais on a su de leur part qu'ils ont prêté main forte ou bien qu'ils ont ramené un appui pour l'islam. بل سيفهم وسلاحهم حامي في المسلمين. au contraire, tous leurs armes sont tournées vers les musulmans. انظروا حال البلاد الإسلامية وما حل فيها. ولا يرغبون في الاتحاد بالمسلمين يسكن سبي. كلها تتمنى أن تكون لو كانت كما كان. ولا tous ils souhaitent s'il revenait à ce sur quoi il était. ولكن. mais. c'est auprès d'Allah que vous cherchez. هذه داعش. ولا donc داعش. ولا سيركم. est-ce qu'il y a des questions؟ هذه داعش وهذا طرح داعش. ولا donc داعش sa façon de. وهذا فكر داعش. et ça donc c'est leur pensée. فكونوا على حذر. فنيجا. أنفسكم. ce soit pour vos propres personnes. أبناءكم. vos enfants. بناتكم. vos filles. حذروا منهم في المساجد. voilà donc mettez en garde contre eux dans les mosquées. مجرمين. ce sont des criminels. خطيرين. sont dangereux. أعداء للدين والسنة. les ennemis de la religion et de la sunna. لا يعرف عنهم. ما لم يشوفهم sur eux. إلا اللغة الدموية. qu'un langage sanguinaire. يباهون بذلك. Donc ils se vont par cela. من خلال مقاطع يوتيوب. voilà à travers donc ce qu'ils diffusent sur YouTube. في القتل. lorsqu'ils tuent. والوحشية. et aussi donc. نعم عرفنا. عرفنا. on vous met, oui on vous connaît. عرفنا من وراكم. et on sait qui est derrière vous. أنتم خوارج. vous êtes donc خوارج. واللي وراكم أنتم لهم أذناب. et ceux qui sont derrière vous aussi ils ont. يريدون أن يشوهوا بكم. سمعة الإسلام. ولا أتخذوا إذا سيد الشاف بالطنيخ. الإسلام. سمعة قوية. la réputation de l'islam est forte. وواضحة نقية. يعني clear et propre. وجميع العقلاء يعلمون أن هذا ليس من فعل الإسلام. et tous les sages savent que ça ne fait pas partie de l'islam. بل إني سمعت تصريحات رؤساء دول. même j'ai entendu donc les déclarations de présidents de pays. سواء في أوروبا أو في غيرها. que ce soit en Europe ou ailleurs. كلهم يقولون. tous ils disent. نحن نعلم أن هؤلاء لا يمثلون المسلمين. on sait que cela ne représente pas les musulmans. ولكن الخطورة. mais le danger. في بعض أبناء الإسلام. donc certains enfants des musulmans الذين قد يقتنعون بمثل هذه الأفكار qui peuvent être influencés par ces idées ما يجدون من مقاطع الفيديو اليوتيوب donc à travers ce qu'ils voient dans ce qui est diffusé sur YouTube أو هذه الأناشيد ou bien à travers ces anachides التي تنشر qui sont répandues الأناشيد الحماسية voilà donc ces anachides qui poussent

لكن هذا الخارجي يتقرب بفعله إلى الله وهو لا يجده من الله إلا بعده. Alors que le خارجي lui essaye de brûler quelque chose qui le rapproche d'Allah alors qu'il ne le fait que l'éloigner. وفقكم الله عن الشاب المتنبه يريد الرحلة لطلب العلم في مصر ولكن الوالدين لا يوافقان وقال الوالد لو ذهبت إلى مصر لقاطعناه علما أن لهما كفاية في المال فما نصيحتكم؟ Je suis un jeune donc salafi, je veux aller en Égypte pour apprendre mais mes parents ne sont pas d'accord et mon père m'a dit que si tu mets les pieds on rompt tous les liens avec toi. Tout en sachant qu'ils ne dépendent pas de moi, ils ne dépendent pas de moi, ils ont leur suffisance. À ta valide. Donc obéir à tes parents. Là, on a 10. Même si on m'a dit. Il a dit que vous cherchez, ben, inshallah. Si ton père il te dit une chose, donc applique. Et si Allah Allah منك صدق النية. Et si Allah il sait que ton intention est sincère. بيشل لك أمرك. Il va très certainement te faciliter la tâche. مثل ما تيسرت لكم هذه الدورة. De la même manière qu'Allah vous a facilité ce séminaire. والدروس. Ainsi que les leçons. وسائل وصول المعلومة الآن كثيرة. Voilà, il est donc à travers les moyens donc. حافظات الصوت والصورة والكتب كل شيء موجود. Voilà, donc il y a des livres, il y a des sites, tout y est présent, tout y est disponible. اتصل بي شاب. Donc il y a un jeune qui m'a contacté. ويتكلم بالعربية. Qui parle en arabe. وليس هو من العرب. Et donc, c'est un non-arabe. أمه وأبوه كفار. Ses deux parents sont mécréants. وأهله كفار. Et toute sa famille est mécréante. لكنه هو من نفسه تعلم. Mais il a appris par lui-même. وشوين تعلمت؟ Donc, je lui ai dit où est-ce que tu apprends? قال عن طريق الأجهزة. Il dit à travers donc les moyens qu'il utilise. أسمع. J'écoute. وأقرأ وموجود كل شيء. Je lis. يا أخي. Comme mon frère. إذا جاد وعلم الله منك خير. Si tu es sincère et qu'Allah sait. ولن تعصي والديك. C'est donc en toi, donc c'est ta sincérité, très certainement tu vas apprendre sans pour autant désobéir à tes parents. ما حال رجل يؤمن بالله بدون ولد ولكن هو لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالإسلام. هل هو يخلد في النار أم سيخرج منها؟ هذا وش عمومش قرب الترجمة. Donc qu'en est-il d'une personne qui croit en Allah et qui lui attribue pas d'enfant mais il ne croit pas en Mohammed صلى الله عليه وسلم et il ne croit pas en l'islam, est-ce qu'il est éternel en enfer ou bien il peut en sortir؟ يعني يقصد نصراني بس ما يؤمن بالتثليث. Voilà, donc si tu veux dire que c'est un chrétien qui ne croit pas en la Trinité. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الفاسقين. Voilà, donc quiconque prend une autre religion que l'islam, il est accepté de lui. حكم العرفة كافر. Voilà, donc son jugement c'est que c'est un mécréant. Voilà. اقرا. يقول هل الديناصورات كانت على وجود الارض؟ تد بس دي اسكو لي دينوزور اكزيستي. انا ما شفت شيء. هل احد منكم شاف ديناصور؟ احنا عندنا ضب تمساح أشياء اللي موجودة أما ديناصور ما أدري ما أعرف ما شفت شيء. Donc il dit moi j'ai rien vu mais si quelqu'un a vu quelque chose donc il me donne mon enfant. Moi ce que j'ai vu des crocodiles, j'ai vu mais pas des dinosaures. يجيبون حفريات يقولون هذا ديناصور وهذا كذا ويرسمون ويزينون. On ramène des fossiles, on dit ça c'est des dinosaures, ils les dessinent ainsi de suite. وهذا قبل 50 مليون سنة. Celui-là il a existé il y a 50 millions d'années auparavant. رقم كبير. C'est un énorme chiffre. أول ما جاءوا الجيولوجية. Donc dès que la géologie a vu le jour. السعودية في. الثلاثينات. Dans les années 30. ينقبون على البترول. Voilà donc ils cherchaient donc après le pétrole. ويشوفون طبقات الأحجار. On voit les sphères de la Terre.